Sa swing. Oh le con. Il est con ce con. Oh le con. Bah merde alors t'es con toi, comment tu fais pour être comme ça? C'est sûr que des mecs comme toi, j'en ai pas vu des tas. Quel est ton secret, comment tu en es arrivé là? Me dis pas que tu fais pas exprès. Vas-y, je te crois pas. Merci mon con, tu peux t'asseoir sur tes lauriers car grâce à toi on se vend la poire. On peut se foutre de ta gueule à tout bout de champ. T'es tellement con que tu vois rien ce que c'est marrant. Mais rassure-toi mon con, t'es pas tout seul. On est tous avec toi pour se foutre de ta gueule. Un peu débile quand tu fais ton débile et tout le monde se marre autour de toi. Alors toi tu penses que t'es le roi, mais t'as raison, t'es le roi des cons. Justement parce que tu le sais pas, si tu le savais tu serais plus toi. Et nous on veut pas que tu changes. Allons, t'es con mais on veut pas que tu changes. Allez, tous ensemble. Merci mon con, tu peux t'asseoir sur tes lauriers car grâce à toi on se fend la poire. On peut se foutre de ta gueule à tout bout de champ. T'es tellement con que tu vois rien ce que c'est marrant. Mais rassure-toi mon con, t'es pas tout seul. On est tous avec toi. On se fout de ta gueule. Mais tous avec toi, mon con. On se fout de ta gueule. C'est parce qu'on t'aime bien, tu sais. En général, celui qui dit que les autres sont cons, c'est lui qui est con. Mais moi, je le suis pas, enfin, j'espère bien. Ouais, c'est ça, ouais. Puis même si je le tais, ça me dérangerait pas que finalement, c'est quoi un con? C'est pas dans le dico, mais bon, c'est un sexe féminin. Et oui, c'est vrai ça, ce que je viens de dire. Il y en a qui le savaient pas, là. Hein. Merci mon con, tu peux t'asseoir sur tes lauriers car grâce à toi on se fend la poire. On peut se foutre de ta gueule à tout bout de champ. T'es tellement con que tu vois rien ce que c'est marrant. Mais rassure-toi mon con, t'es pas tout seul. On est tous avec toi pour se foutre de ta gueule. Just... Sur tes lauriers car grâce à toi on se fend la poire. On peut se foutre de ta gueule à tout bout de champ. T'es tellement con que tu vois rien ce que c'est marrant. Mais rassure-toi mon con, t'es pas tout seul. On est tous avec toi pour se foutre de ta gueule encore. On est tous avec toi pour se foutre de ta gueule encore. On est tous avec toi pour se foutre de ta gueule. Pêche.